J'ai voulu raconter d'autres vies que la mienne. Celle de gens pris dans la vague du tsunami de 2004. Celle de gens qui ont longtemps et très tôt cohabité avec le cancer. Celle de gens qui courent après les crédits sans savoir comment les rembourser. Celle de gens qui savent s'aimer. De gens qui, sans le savoir, parfois sans même connaître, m'ont guidé et éclairé dans le difficile métier de vivre. D'autres vies que la mienne, d'Emmanuel Carrère. Adaptation de François Cuel. Premier épisode. La nuit d'avant la vague, je me rappelle qu'Hélène et moi avons parlé de nous séparer. Ce n'était pas compliqué. Nous n'habitions pas sous le même toit, n'avions pas d'enfants ensemble, nous pouvions même envisager de rester amis. Pourtant, c'était triste. Nous gardions en mémoire une autre nuit, juste après notre rencontre, passée tout entière à nous répéter que nous nous étions trouvés, que nous allions vivre le reste de notre vie ensemble, vieillir ensemble, et même que nous aurions une petite fille. Plus tard, nous avons eu une petite fille. À l'heure où j'écris, nous espérons toujours vieillir ensemble, et nous aimons penser que nous avions, dès le début, tout compris. Mais il s'était écoulé depuis ce début une année compliquée, chaotique. Et ce qui nous paraissait certain à l'automne 2003, dans l'émerveillement du coup de foudre amoureux, ce qui nous paraît certain, en tout cas désirable, 5 ans plus tard, ne nous paraissait plus certain du tout, ni désirable, cette nuit de Noël 2004, dans notre bungalow de l'hôtel Evalanca. Nous étions certains, au contraire, que ces vacances étaient les dernières que nous passions ensemble, et que malgré notre bonne volonté, elles étaient une erreur. Je pensais que j'allais vieillir seul. Hélène, elle, pensait à autre chose, à sa sœur Juliette, qui, juste avant notre départ, avait été hospitalisée pour une embolie pulmonaire. Hélène est allée fumer une cigarette sur la terrasse du bungalow. Je l'ai attendue, couchée sur le lit, en me disant « Si elle revient bientôt, si nous faisons l'amour, peut-être que nous ne nous séparerons pas. Peut-être que nous vieillirons ensemble. » Mais elle n'est pas revenue. Elle est restée seule sur la terrasse à regarder le ciel s'éclaircir peu à peu, à écouter les premiers chants d'oiseaux. Et je me suis endormi de mon côté, seul et triste, persuadé que ma vie allait tourner de plus en plus mal. Nous étions inscrits, tous les quatre, Hélène et son fils, moi et le mien, pour une leçon de plongée sous-marine au petit club du village voisin. Mais Jean-Baptiste, depuis la leçon précédente, avait mal à une oreille et ne voulait pas replonger. Nous étions quant à nous fatigués par notre nuit presque blanche et avons décidé d'annuler. Rodrigue, le seul qui avait vraiment envie d'y aller, était déçu. « Tu n'as qu'à te baigner dans la piscine, lui disait Hélène. » Il en avait assez de se baigner dans la piscine. Il aurait voulu qu'au moins quelqu'un l'accompagne à la plage, en contrebas de l'hôtel, où il n'avait pas le droit d'aller seul parce qu'il y avait des courants dangereux. Mais personne n'a voulu l'accompagner, ni sa mère, ni moi, ni Jean-Baptiste, qui préférait lire dans le bungalow. Jean-Baptiste avait alors 13 ans. Je lui avais plus ou moins imposé ses vacances exotiques en compagnie d'une femme qu'il connaissait peu et d'un garçon beaucoup plus jeune que lui. Depuis le début du séjour, il s'ennuyait et nous le faisait sentir en restant dans son coin. Quand, agacé, je lui demandais s'il n'était pas content d'être là, au Sri Lanka, il répondait de mauvaise grâce que si, il était content, mais qu'il faisait trop chaud et que là où il se sentait encore le mieux, c'est dans le bungalow, à lire ou jouer à la Game Boy. C'était un préadolescent typique, en somme, et moi un père typique de préadolescent, me surprenant à lui faire, au mot près, les remarques qui, quand j'avais son âge, m'exaspéraient tellement dans la bouche de mes propres parents. « Tu devrais sortir, être curieux. C'est bien la peine de t'emmener si loin. » Peine perdue. On avait desservi les derniers petits déjeuners, commencé à dresser les tables pour le déjeuner. Bientôt se poserait la question lancinante de ce qu'on allait faire l'après-midi. « Trois jours après notre arrivée, nous avions déjà visité le temple dans la forêt, nourri les petits singes, vu les Bouddhas couchés, et, à moins de nous lancer dans des excursions culturelles plus ambitieuses qui ne tentaient aucun d'entre nous, épuiser les ressources de l'endroit. Ou alors il aurait fallu être de ces gens qui peuvent traîner des jours durant dans un village de pêcheurs, en se passionnant pour tout ce que font les autochtones. Le marché, les techniques de réparation des filets, les rituels sociaux en tout genre. Je n'en étais pas, et me reprochais de ne pas en être, de ne pas transmettre à mes fils cette curiosité généreuse, cette acuité du regard que j'admire, par exemple, chez Nicolas Bouvier. J'avais apporté avec moi le poisson scorpion, où cet écrivain voyageur raconte une année passée à Galle, un gros bourg fortifié situé à une trentaine de kilomètres de l'endroit où nous nous trouvions, sur la côte sud de l'île. Ce n'est pas comme l'usage du monde, son récit le plus célèbre, un livre d'émerveillement et de célébration, mais de débâcle, de perte, d'abîme plus que frôlé. C'est lent y est décrite comme un sortilège, dans le sens perfide du mot, pas celui des guides touristiques pour routards cool et jeunes mariés. Bouvier a manqué y laisser sa raison, et notre séjour à nous, qu'on envisage comme un voyage de noces ou comme un examen de passage pour éventuelle famille recomposée, était raté. Mollement raté, d'ailleurs. Sans tragique et sans risque. Je commençais à avoir hâte de rentrer. Traversant le hall à claire-voie, envahi par les bougainvilliers, j'ai croisé un client de l'hôtel qui s'énervait parce qu'il n'avait pas pu envoyer un fax. L'électricité était coupée. On lui avait parlé à la réception de quelque chose qui s'était produit au village. Un accident à l'origine de la coupure, mais il n'avait pas bien compris de quoi il s'agissait. J'ai rejoint Hélène, qui ne dormait plus, et m'a dit qu'il se passait quelque chose de bizarre. Au bout du parc, une terrasse domine l'océan. Au premier regard, étrangement, on ne remarque rien. Tout paraît normal. Puis, on s'avise que l'eau est très loin. Entre la bordure des vagues et le pied de la falaise, la plage, en temps normal, est large d'une vingtaine de mètres. Là, elle s'étend à perte de vue, grise, plate, scintillante sous le soleil voilé. On se croirait au Mont-Saint-Michel à marée basse. On s'aperçoit aussi qu'elle est jonchée d'objets dont on ne mesure d'abord pas l'échelle. Ce bout de bois tordu, est-ce une branche arrachée ou un arbre, un très grand arbre? Cette barque démantelée, est-ce que ce ne serait pas plus qu'une barque, carrément un bateau, un chalutier, rejeté et brisé comme une coquille de noix? On n'entend aucun bruit. Pas un souffle n'agite les plumets des cocotiers. À un moment, quelqu'un a murmuré « 200 children died at school in the village. » Construit sur la falaise, surplombant l'océan, l'hôtel est comme emmitouflé dans la surabondance végétale de son parc. Il faut franchir une grille surveillée par un gardien, puis descendre une rampe bétonnée pour atteindre la route qui longe la côte. Hélène et moi descendons jusqu'à la route. Après quelques minutes de marche en direction du village, vient à notre rencontre un grand type blond, hagard, en short et chemise déchirée, couvert de boue et de sang. Il est hollandais, c'est curieusement la première chose qu'il dit, et la seconde, c'est que sa femme est blessée. Hélène propose de l'accompagner jusqu'à l'hôtel. Moi, je veux marcher encore un peu. À l'entrée du village, 3 kilomètres plus loin, il règne une atmosphère d'angoisse et de confusion. Des groupes se font et se défont, des voitures bâchées manœuvrent. On entend des cris, des gémissements. Je m'engage dans la rue qui descend vers la plage, mais un policier fait barrage. Je lui demande ce qui s'est passé au juste. Vango, Sigram. Excuse me, what happened? The sea. The water, big water. And, there is some dead people? Yes, many people dead, very dangerous. You stay in hotel? Yes. Which hotel? Evalanka. Good, good. Evalanka, good hotel. You stay there, here, very dangerous. Huh? Le danger semble passer, j'obéis quand même. Hélène est furieuse contre moi. Elle aurait dû aller la première aux nouvelles, c'est son métier. Pendant mon absence, elle a reçu un appel de LCI, la chaîne d'information pour laquelle elle écrit et présente des journaux. Sachant Hélène en vacances là-bas, ils espéraient un témoignage à chaud. Et Hélène n'avait à peu près rien à dire. Qu'est-ce que j'ai à dire, moi? Qu'est-ce que j'ai vu à Tangal? Pas grand-chose, il me faut bien l'avouer. Je bats en retraite, dans notre bungalow, où Jean-Baptiste vient me chercher, bouleversé. Le couple de Français dont nous avons fait la connaissance 2 jours plus tôt vient d'arriver à l'hôtel. Leur fille est morte. Jean-Baptiste a besoin de moi pour affronter ça. Hélène est au bar avec eux, et un homme plus âgé que ses cheveux gris bouclés et son visage d'oiseau font ressembler à l'acteur Pierre Richard. Nous n'avons l'autre jour pas échangé nos noms. Hélène fait les présentations. Jérôme, Delphine, Philippe. Philippe est le père de Delphine. Il loue la maison sur la plage. Et la petite fille qui est morte s'appelait Juliette. Hélène dit ça d'une voix neutre. Jérôme hoche la tête pour confirmer. Son visage et celui de Delphine restent sans expression. Je demande « Vous en êtes sûr ?» Jérôme répond que oui. Ils viennent de l'hôpital du village où ils sont allés reconnaître le corps. Delphine regarde devant elle. Je ne suis pas certain qu'elle nous voit. Un serveur passe pour nous demander ce que nous désirons, Jean-Baptiste et moi, et nous passons machinalement commande, puis le silence retombe. Il dure jusqu'à ce que Philippe se mette tout à coup à parler. Il ne s'adresse à personne en particulier. Sa voix est aiguë, saccadée. Elle donne l'impression d'un mécanisme déréglé. Au cours des heures qui suivent, il fera ce récit plusieurs fois, presque identique. Ce matin, juste après le petit déjeuner, Jérôme et Delphine sont partis au marché. Et lui restait à la maison pour garder Juliette et Ozandi, la fille du patron de la guest house. Il lisait le journal local, assis dans son fauteuil en rotin sur la terrasse du bungalow. De temps à autre, levait les yeux pour surveiller les 2 petites filles qui jouaient au bord de l'eau. À un moment, il a pris conscience que les corneilles avaient disparu, qu'on n'entendait plus de chants d'oiseaux. C'est alors que la vague est arrivée. Un instant plus tôt, la mer était étale. Un instant plus tard, c'était un mur aussi haut qu'un gratte-ciel et qui tombait sur lui. Il a été submergé, emporté et roulé pendant un temps qui lui a paru interminable dans le ventre immense de la vague. Puis il a rejailli sur son dos. Il est passé comme un surfeur au-dessus des maisons, au-dessus des arbres, au-dessus de la route. Ensuite, la vague est repartie en sens inverse, l'aspirant vers le large. Il a vu qu'il fonçait sur des murs explosés contre lesquels il allait se fracasser et il a eu le réflexe de s'accrocher à un cocotier qu'il a lâché, puis à un autre qui l'aurait aussi lâché si quelque chose de dur, un bout de palissade, ne l'avait pas coincé et plaqué contre le tronc. Autour de lui, filaient à toute allure des meubles, des animaux, des gens, des poutres, des blocs de béton. Il a fermé les yeux en s'attendant à être broyé par un de ces énormes débris et il les a gardés fermés jusqu'à ce que le mugissement monstrueux du courant se calme et qu'il entende autre chose, des cris d'hommes et de femmes blessés, et qu'il comprenne que le monde n'avait pas pris fin, qu'il était vivant, que le cauchemar véritable commençait. Juliette et Ozandi étaient mortes, de cela il était certain. Il fallait maintenant retrouver Jérôme et Delphine et le leur dire. C'était cela, sa tâche, désormais, dans la vie. Les zombies qui, comme Philippe, reprenaient pied sur la terre des vivants ne pouvaient que balbutier le mot « vague » et ce mot se propageait dans le village, comme a dû se propager le mot « avion » le 11 septembre 2001, à Manhattan. Philippe a remonté la rue principale jusqu'au marché, où c'était l'heure de plus grande affluence. Et, alors qu'il se préparait à les chercher longtemps, il a tout de suite vu Delphine et Jérôme sous la tour de l'horloge. Philippe s'est avancé vers eux. Il savait que c'était leur dernière seconde de bonheur. Ils l'ont vu approcher. Il est arrivé devant eux, couvert de boue et de sang, le visage décomposé. Et à ce point de son récit, Philippe s'arrête. Il n'arrive pas à continuer. Sa bouche reste ouverte, mais il n'arrive pas à prononcer de nouveau les trois mots qu'il a dû prononcer à cet instant. Delphine a hurlé, Jérôme non. Il a pris Delphine dans ses bras, il l'a serrée contre lui aussi fort qu'il pouvait, tandis qu'elle hurlait, hurlait, hurlait. Et à partir de cet instant, il a mis en place le programme « Je ne peux plus rien pour ma fille, alors je sauve ma femme ». Je n'ai pas assisté à la scène que je raconte d'après le récit de Philippe, mais j'ai assisté à la suite et j'ai vu ce programme tourner. Nous dînons avec Delphine, Jérôme et Philippe. Ils veulent repartir avec le corps de Juliette. Et dès le premier soir, le vertige terrifiant de son absence est tenu en respect par les questions pratiques. Jérôme s'y lance à corps perdu. C'est sa façon de rester en vie, de maintenir Delphine en vie. Et Hélène l'y assiste en cherchant à joindre leur compagnie d'assurance pour organiser leur rapatriement et celui du corps. Plus tard, Hélène et moi sommes allongés sur le lit, l'un à côté de l'autre. Du bout des doigts, j'effleure le bout des siens qui ne me répondent pas. Je voudrais la serrer dans mes bras, mais je sais que ce n'est pas possible. Je sais à quoi elle pense. Il est impossible de penser à autre chose. À quelques dizaines de mètres de nous, dans un autre bungalow, Jérôme et Delphine doivent être allongés aussi, les yeux ouverts. Est-ce qu'il la serre dans ses bras ou est-ce que ce n'est pas possible pour eux non plus? C'est la première nuit. La nuit qui suit le jour où leur fille est morte. Ce matin, elle était vivante. Ce matin, elle était vivante. Elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée. Elle est venue jouer dans leur lit. Elle est venue jouer dans leur lit. Elle les appelait papa, les appelait papa maman. Et maman. Elle riait. Elle riait. Elle était chaude. Elle était ce qui existe de plus beau et de plus chaud et de plus doux sur Terre. Et maintenant, elle est morte. Et maintenant, elle est morte. Elle sera toujours morte. Elle sera toujours morte. Le matin du deuxième jour, Jérôme dit « Je vais voir Juliette », comme s'il voulait s'assurer qu'on prend bien soin d'elle. « Vas-y », dit Delphine. Il part avec Philippe. Hélène prête un maillot à Delphine qui nage longtemps, lentement, la tête bien droite, le regard vide. Vers midi, Philippe et Jérôme rentrent à gare. Juliette n'est plus à l'hôpital de Tangal. On l'a transférée ailleurs. À Matara, selon les uns, à Colombo, selon les autres. Tout ce qu'on a pu faire pour Jérôme, c'est lui donner un bout de papier sur lequel sont griffonnés quelques mots qu'un employé de l'hôtel lui traduit avec un embarras navré. C'est une sorte de reçu qui dit seulement « petite fille blanche, blonde, avec une robe rouge ». Hélène et moi allons à notre tour à l'hôpital de Tangal. Les corps sont alignés en rangée, j'en compte une quarantaine. Ils sont là depuis hier, beaucoup sont gonflés par le séjour dans l'eau. Pas d'occidentaux, peut-être ont-ils été, comme Juliette, évacués en priorité. Les peaux sont moins sombres que grises. Je n'ai encore jamais vu de mort. Il me semble étrange, à 47 ans, d'avoir été à ce point préservé. Un bout de tissu pressé contre le nez. Nous visitons d'autres salles, montons à l'étage. Partout gisent des cadavres, grisâtres et ballonnés. Je me demande ce que nous sommes venus faire ici. Voir. Juste voir. Hélène est la seule journaliste sur place. Elle a déjà dicté un article hier soir, un autre ce matin, emporté avec elle son appareil photo, mais elle n'a pas le cœur de le sortir. À l'extérieur de l'hôpital, au bord de la route, il y a un terre-plein d'herbes sèches et coupantes, ombragé par un banyan immense. Et au pied de ce banyan, une dizaine de personnes. Des blancs, les vêtements déchirés, couverts de petites blessures qu'ils n'ont pas pris le temps de panser. Tous, ils ont perdu quelqu'un, femme, mari, enfant, ami. Mais contrairement à Delphine et Jérôme, ils ne l'ont pas vu mort et veulent encore espérer. La première qui nous raconte son histoire s'appelle Ruth. Écossaise, Ruth, environ 25 ans. Elle habitait un bungalow sur la plage avec Tom, Ils venaient de se marier. C'était leur voyage de noces. Ils étaient à 10 mètres l'un de l'autre quand la vague est arrivée. Ruth a été emportée. Elle a eu la vie sauve et depuis, elle cherche Tom. Elle l'a cherché partout. Sur la plage, parmi les débris, dans le village, au poste de police. Puis, quand elle a compris que tous les corps arrivaient à l'hôpital, elle n'en a plus bougé. Elle n'a pas dormi, pas mangé. Elle veut rester ici avec les autres. Et les autres y restent pour la même raison qu'elle. Ils devinent que les nouvelles ne peuvent plus être que mauvaises. Mais ils veulent être présents quand le corps de celui ou celle qu'ils aiment sera déchargé du camion. Hélène a pris avec elle tout l'argent liquide dont elle dispose et le distribue à Ruth et à ses compagnons. Elle note le nom de chacun, puis le nom et le signalement sommaire des disparus. Elle note les numéros de téléphone des familles en Europe ou en Amérique pour les appeler et leur dire « J'ai vu Ruth, elle est vivante. J'ai vu Peter, il est vivant. » Le patron de l'hôtel annonce au petit déjeuner qu'un camion de la police part à Matara et qu'il s'est arrangé pour qu'ils prennent Jérôme avec eux. Hélène propose tout de suite de l'accompagner et tout de suite il accepte. Je pense que j'aurais dû le proposer, moi, que c'était une affaire d'homme, et je les regarde partir avec une pointe de jalousie qui me fait honte. Philippe veut se rendre compte par lui-même de la situation. J'hésite un peu à confier Rodrigue à la garde de Delphine, mais elle dit que ça ne lui pose pas de problème, au contraire. Et nous partons. Le tuk-tuk où nous avons pris place, Philippe, Jean-Baptiste et moi, passe au large de l'hôpital. De loin, j'aperçois le groupe de touristes naufragés qui tourne lentement en rond sous le banian. Et cette fois encore, j'ai l'impression d'être un survivant dans un film de zombies, dépassant en voiture un groupe de morts-vivants désœuvrés, bras ballants, qui nous suivent de leurs yeux vides. Dans les ruines, des gens s'activent, fouillent, récupèrent des objets hétéroclites. Au passage de Philippe, chacun le reconnaît. Va vers lui. Et c'est avec chacun pratiquement la même scène. On s'étreint, on pleure ensemble. Dans un anglais de cuisine, on échange des nouvelles, essentiellement le nom des morts. Philippe n'apprend rien à personne. On sait déjà pour Juliette, pour M.H., le propriétaire et ami de Philippe, pour Ozandi, sa fille. Mais lui ne sait pas encore pour les voisins. Et à chaque mort qu'on lui annonce, il pousse, comme ses interlocuteurs, une sorte de gémissement. À chacun des survivants, il entreprend d'expliquer qu'il va devoir partir, là, tout de suite, avec Delphine et Jérôme, mais qu'il va revenir bientôt pour les aider. Qu'il va trouver de l'argent, qu'il restera longtemps. Cela semble très important pour lui de le leur dire, et important pour eux de l'entendre. Est-ce que tu ferais comme lui à sa place ? Me demande tout à trac Jean-Baptiste. Est-ce que je ferais quoi ? Si ta petite fille de 4 ans était morte, si Gabriel et moi, tes fils, on était morts, est-ce que tu t'occuperais des pêcheurs de Médak et Tia ? Je ne sais pas. Moi ? Je crois que je m'en foutrais pas mal des pêcheurs de Médak et Tia. Après réflexion, ne pas s'en foutre, je dis que ne pas s'en foutre, c'est soit la preuve d'une générosité extraordinaire, soit une stratégie de survie. Et que je préfère y voir une stratégie de survie. Ça me paraît plus humain. À un certain moment, c'est ne penser qu'à soi qui est le plus humain. Je ne crois pas que Philippe et Jérôme se soucient de l'humanité en général. Je crois qu'ils se soucient de survivre à la mort de Juliette. Et de sauver Delphine, surtout. C'était « D'autres vies que la mienne » d'Emmanuel Carrère. Adaptation de François Cuel. Avec Vincent Schmitt, le narrateur, Candice Lartigue, Hélène, Dominique Massa, Philippe, Crystal Shepherd-Cross, Ruth, Vadim Cohen, Jean-Baptiste, Asil Reis, le policier sri-lankais. Prise de son, montage et mixage, Manuel Couturier et Bastien Varigaud. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, François Christophe. D'autres vies que la mienne est paru aux éditions POL.